un pion sur l'échiquier. Le risque a pris place, mais quelle importance. Un jeu de fou s'est imposé, jeu à pile ou face. Quelle existence. Comment as-tu pu croire que sans alliance tu pouvais me gagner? Tu ne m'as laissé aucune échéance et l'on a tout cassé. Deux, nous aurions fait la paire, simple jeu d'expert. Oui, mais tu me perds. Deux ensemble mais solitaire, simple jeu d'un père. Oui, mais tu me perds. Cache à supporter juste pour un baiser qu'on va regretter. De cœur brisé, tu dis qu'on se ressemble, non rien de solidaire, la belle affaire. De cœur brisé, tu dis quand on s'assemble, non jamais volontaire, juste pour faire la guerre. Que nous aurions fait la paire, simple jeu d'expert. Oui, mais tu me perds. Oui, mais solitaire, simple jeu d'un père. Oui, mais tu me perds. Moi, je veux y croire. Deux, nous aurions fait la paire, simple jeu d'expert. Oui, mais tu me perds. Moi, je veux y croire. Deux ensemble, mais solitaire, simple jeu d'un père. Oui, mais tu me perds. Moi, je veux y croire. Nous aurions fait la paire, simple jeu d'expert. Oui, mais tu...